Yoka mobali na yo akubele la yo na kata tour Eiffel bisengo oh. Okilo mingi sabana mboka Paris quoi, mais c'est l'homme le plus demandé de la terre quoi. Ah, Tina Kwani, Kwani Tina. Koko waya yebisa nakadima, tosili kobala, mama na Gianni Versace, kula mambo kole la kate. C'est votre napoto, ma solo se yayo. Kinyango, mboka plaisir. Atanyere, tokozonga. Bolingo nanga, ma. Azela kayo ye. Chibi, kola mariage. Yeba, bolingo nanga, mama. Matebu mama. Chérie, na lelie. Grifango, we a torrente. Grifango, Valentino Uomo. Grifango, Daniele Che. Grifango, Testa Uomo. Grifango, Valentuomo. Grifango, Jojo Amanie. Grifango, Bonabasa Patwe, Jimmy Westone. Sheratone yango, kutu yangaite. Yeah.